par ce qui blesse à l'intérieur. Mes potes sont pires que des ennemis, ma fierté frissonne ton heure. Crise de tête, crise de fête, disputé en brouille qui pète. Mais des histoires soudes peut-être dans les équipes pour la compète. Très peu d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Tout le monde se croit tout permis. De plus, y'a même plus d'esprit de famille. Tu grandis avec un mec et affronte les galères de la vie. Et quand le jour de la trahison arrive, par une embrouille ça se finit. Beaucoup d'ennemis, très peu d'amis. Je sais, j'en suis conscient et ce n'est pas pour autant que je faiblis. Et je n'oublie pas, même quand je te dis pardon. Il y a les mauvais et les bons. À 18 ans j'ai quitté le bahut, mais l'armée m'a pas eu. Aujourd'hui je suis fier de représenter la rue. Image factice, il y a que les fausses valeurs qui nous blessent. Dans ce ghetto on se redresse pour éviter les erreurs de jeunesse. Serre-moi la main cousin, pas trop dire froid, c'est mesquine. À force d'être aîné, on se pousse soi-même vers le crime. Il y a des choses qu'on n'oublie pas comme cette nostalgie du passé. C'est dur d'être trahi par un gars qu'on connaît depuis le CP. À tous mes potes, arrogants, insolents. À tous mes potes, arrogants, insolents. J'parle pas de violence, mais c'est vrai, parfois j'y pense. Y'a pas de blé sans semence, mais chaque taf mérite récompense. Sex, sport et rap comme hygiène de vie. Si avec toi je traîne, garçon, crois-moi, c'est pas d'hypocrisie. La haine qu'on sème, donc embrouille ennemi qu'on récolte. Fonce droit vers la révolte, faut-il posséder le col. Prends la maille sans dire merci. Le succès monte à la tête des gens. Sont des bonnes vibes écrits comme un testament. À mes proches je souhaite le bonheur. Très peu d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Voilà pourquoi on se méfie. Amour ghetto youth pour la vie. Au mic le manifeste. Pourquoi les hommes se détestent? Pourquoi les jeunes se testent? Je laisse parler le pic sur la feuille blanche. Mes vrais potes, seulement mes vrais proches. C'est pas de la haine, plutôt de l'amour que je lui pense, fils. Très peu d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Tout le monde se croit tout permis. De plus y'a même plus d'esprit de famille. Tu grandis avec un mec et affronte les galères de la vie. Et quand le jour de la trahison arrive, par une embrouille ça se finit. Beaucoup d'ennemis, très peu d'amis. Je sais, j'en suis conscient et ce n'est pas pour autant que je faiblis. Et je n'oublie pas même quand je te dis pardon. Il y a ceux qui sont, il y a les mauvais et les bons. Je répète, très peu d'amis, mais beaucoup d'ennemis. Tout le monde se croit tout permis. De plus y'a même plus d'esprit de famille. Tu grandis avec un mec et affronte les galères de la vie. Et quand le jour de la trahison arrive, par une embrouille ça se finit. Beaucoup d'ennemis, très peu d'amis. Je sais, j'en suis conscient et ce n'est pas pour autant que je faiblis. Et je n'oublie pas même quand je te dis pardon. Il y a ceux qui sont, il y a les mauvais et les bons. Je te dis pardon.